Troisième temps d'une semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire consacrée à quelques histoires liées au cinéma italien ou au cinéma italo-américain. Aujourd'hui, Pasolini et l'Histoire. Après avoir évoqué mardi le festival du film italien de Villerue en Lorraine dans un étonnant documentaire de Séverine Yattard et de Séverine Cassard que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, puis hier l'italo-américain Scorsese dans son rapport au pays de ses ancêtres, nous allons nous rappeler ce matin qu'en novembre 1975, il y a 40 ans, disparaissait Pier Paolo Pasolini. Avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec nous, nous allons nous interroger sur le rapport de Pasolini à la grande histoire et même à la petite histoire de son pays, de l'Italie, avec Jean Gilly, il est historien et historien du cinéma, professeur émérite à Paris 1, avec Hervé Joubert-Laurencin, il est professeur à Paris-Ouest, Nanterre-la-Défense, et il sort avec d'autres spécialistes de Pasolini, le scénario et un dossier sur Acatone, le film de Pasolini, aux éditions Macula. Mélinda Toen est également avec nous, elle a soutenu en 2012 une thèse en esthétique du cinéma à Paris 1 sur Pasolini et l'histoire, et nous aurons au téléphone avec nous Alain Nas, qui est auteur d'un portrait de Pasolini en chiffonnier de l'histoire. Mais tout de suite, eh bien, écoutons l'hommage qui lui a été rendu à Pasolini par un grand ami à lui, Alberto Moravia. C'était trois jours après sa disparition, en novembre 1975, et nous sommes sur le Campo dei Fiori à Rome. Abbiamo perduto un uomo coraggioso, molto più coraggioso di tanti suoi concittadini e coetanei. Quest'uomo coraggioso era diverso, sì, la sua diversità consisteva nel coraggio di dire la verità, o quella che lui credeva la verità, e quando si crede di la verità c'è qualche cosa che ce la fa dire, soprattutto se si è una persona come Pasolini, come ho detto, di elevatissima intelligenza e di sentire molto molto riguardoso verso il reale. Abbiamo perduto dunque un testimone diverso. Perché diverso ancora? Perché in un certo modo egli cercava di provocare delle reazioni attive e benefiche nel corpo inerte della società italiana. La sua diversità consisteva proprio in questa provocazione benefica dovuta a una sua assoluta mancanza di calcoli, di compromessi, di prudenza. Egli era diverso in quanto era appunto disinteressato. Poi abbiamo perduto anche il simile. Cosa intendo per simile? Intendo che lui ha fatto delle cose. Un extrait du discours improvisé d'Alberto Moravia, trois jours après la disparition de son ami Pier Paolo Pasolini, en novembre 1975 à Rome, sur le Campo dei Fiori. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour Mélinda Toen. Bonjour à vous Hervé Joubert-Laurencin. Bonjour. Bonjour à vous également Alain Nas. Vous êtes dans les studios de nos confrères à Mayotte Première. Bonjour. Oui, bonjour. Et enfin, bonjour à vous, Jean Gilly. Bonjour. Ce discours en italien, on en comprend la teneur quand on connaît l'italien, mais on comprend surtout le ton de ce discours, à la fois enflammé, extrêmement chaleureux, extrêmement ému également, d'Alberto Moravia, l'écrivain, à l'annonce de la disparition de son ami. Et il nous dit, en fait, c'est un poète, et parmi les poètes les plus importants d'Italie, il n'y en a que deux ou trois par siècle, dit-il, à propos de son ami Pasolini dans ce discours du Campo dei Fiori. Oui, d'abord, il faut rappeler que Pasolini et Moravia étaient extrêmement liés. Ils étaient amis intimes, ils partageaient des vacances, ils partageaient des voyages d'études, par exemple un voyage en Inde ou un voyage en Afrique. Et les deux hommes avaient une très grande estime réciproque. Donc on peut comprendre, d'ailleurs la réaction de Moravia est un peu à l'image de ce que fut le choc de la disparition de Pasolini. Moi j'habitais Rome à l'époque et j'ai le souvenir d'une ville qui était notamment dans les milieux intellectuels, mais pas seulement, parce que finalement Pasolini avait assumé une figure d'intellectuel et d'homme intervenant dans la vie de la société. Donc sa disparition, on est au tout début de novembre 75, a été un choc absolu. Et ensuite, dans cette cérémonie de Campo dei Fiori, où il y avait notamment Sergio Citti et son frère Ninetto Davoli, Bertolucci, qui était très lié à Pasolini. Absolument. Et il y a des photos qui nous montrent le cercueil de Pasolini qui est porté à dos d'homme, notamment par Bertolucci. Donc, ça a été vraiment un choc d'une violence extrême. Et pourtant, quel caractère rêche, ce que dit Pasolini à la société italienne n'est pas extrêmement agréable. On est très étonné, justement, de voir cette ferveur que vous nous décrivez, Jean Gilly, pour cette disparition, alors qu'il a été extrêmement dur par rapport à cette société italienne, par rapport à la bourgeoisie italienne, par rapport au néo-fascisme qu'il voyait naître dans la société italienne, fascisme nouveau qu'il voyait naître dans la société italienne des années 60 et 70. Oui, Pasolini était quelqu'un qui était une espèce de conscience morale de l'Italie. Et comme tel, il intervenait fréquemment, notamment dans les journaux, dans des articles qui souvent étaient à rebrousse-poil, par exemple à l'égard des mouvements de jeunesse, à l'égard du terrorisme. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à affronter de manière brutale des espèces de lieux communs qui traversaient la société italienne. Et finalement, peut-être qu'au moment de son décès, prématuré bien entendu, il est encore très jeune, il y a une... Il est né en 1922, il faut le rappeler. Il est né en 1922. Il meurt en 1975. Oui, donc il a une cinquantaine d'années quoi, et il laisse un grand vide dans la culture italienne. Et pas seulement, nous aujourd'hui on a un peu tendance à le considéré avant tout comme un cinéaste, ou au contraire, dans d'autres milieux, avant tout comme un écrivain. En fait, il était les deux. Et il y a un aspect sur lequel il convient tout de suite d'insister, c'est une espèce de puissance de travail proprement inouïe. Alors, avant d'essayer de cheminer à travers cette problématique complexe, du rapport à l'histoire de Pasolini dans ses films, peut-être l'homme lui-même, on parle d'un intellectuel qui rayonne mine de rien sur cette société italienne, qui s'y engage pas seulement à travers ses films, ses écrits, sa poésie et son cinéma, mais qui se fait aussi porte-parole d'un message dans des revues, dans des articles. Alors, acteur de l'histoire, est-ce que lui s'auto-représente comme un acteur de l'histoire? Je ne sais pas, peut-être Mélinda Toen ou Hervé Joubert Laurencin. Mélinda Toen. Je pense que effectivement, il assume ce rôle intellectuel qui a un rôle à jouer dans l'histoire, puisque, notamment dans les écrits corsaires, en tout cas, il dénonce l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire du palais, donc l'histoire du pouvoir. Alors, il faut expliquer ce qu'est le palazzo en Italie. C'est un qualificatif de cette histoire, disons ce qu'on appellerait aussi la politique politicarde ou la politique politicienne, le palazzo. Oui. Et effectivement, c'est ce qu'il dénonce dans ses écrits. Voilà. Et je pense qu'effectivement, même s'il ne le dit pas clairement, en tout cas, il assume et il occupe cette position d'acteur de l'histoire, puisqu'il dit très bien, d'ailleurs, dans l'article très connu, maintenant nommé « Sur la disparition des Lucioles », qu'il y a un véritable vide politique en Italie. Et donc, il estime qu'il doit occuper ce vide afin de pouvoir dénoncer... Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu messianique aussi chez je ne sais pas, chez Pasolini, après, est-ce que... Pour un marxiste, est-ce qu'il pouvait être messianique? C'est pas français. Jean Gilly. Je crois surtout que c'est un intellectuel extrêmement... Un intellectuel et un artiste, ce qui est une convergence rarement rencontrée. Bien sûr. C'est quelqu'un qui, d'abord, qui manie la langue de façon étonnante, aussi bien la prose que les vers, qui s'est fait aussi, qui a commencé à se faire connaître comme un auteur de poésie en dialecte frioulant, et qui, d'une certaine manière, a redonné une certaine noblesse aux expressions dialectales, faisant même un ouvrage sur l'histoire de la poésie dialectale italienne. Un dialecte, d'ailleurs, dont on dit, moi je ne connais pas ce langage frioulant, qu'il le réinvente même, que ça n'est pas le frioulant parlé, que c'est une sorte de réinvention du dialecte, comme on peut le faire d'ailleurs au XIXe siècle, certains intellectuels français réinventant certains des dialectes parlés dans la France de l'époque. Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui s'était imbibé d'abord de ses relations, des gens qu'il fréquente dans le Frioul, et cette opération, il va la refaire lorsqu'il arrive à Rome. Mm-hmm. puisqu'il devient finalement un expert du dialecte romanesque. Donc, c'est quelqu'un qui finalement manie trois langues, l'italien, le frioulan et le romanesque. Et il faut dire aussi, Alain Naz, qu'il y a dans sa propre vie et dans la vie de tous ceux qui lui sont contemporains, l'expérience fasciste qui compte beaucoup. Il naît en même temps, pourrait-on dire, que le fascisme, puisqu'il naît en 1922. Il a une vingtaine d'années au moment de la guerre, et que cette expérience-là est une expérience qui va profondément marquer sa vision même de l'histoire, pas simplement italienne, mais de l'histoire en général, Alain Naz. Oui, effectivement, c'est une expérience qui marque profondément Pasolini. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que toujours Pasolini a essayé de montrer que finalement le fascisme historique n'avait réussi qu'à égratigner, pourrait-on dire, l'âme italienne, alors que ce qu'il va appeler le nouveau fascisme, lui, aurait réussi finalement à aller beaucoup plus profondément dans l'âme italienne, à l'abîmer beaucoup plus profondément, quoi. Alors ce nouveau fascisme, c'est cette société de consommation qui s'impose et qui, écrète les différences, qui lisse les différences sous le capitalisme des années 60, dans l'Italie des années 60, c'est ça ? Voilà, qui aboutit à une forme d'homologation consumériste, selon l'expression de Pasolini, ce qui veut dire d'abord pour lui une forme de ressemblance des corps, avec justement une forme de disparition des corps plébéiens, des corps sous-prolétaires, qui était pour lui une souffrance, quoi. C'est pour ça que son rapport à l'histoire me semble être un rapport profondément charnel, corporel, passionnel, quoi. Et quand on pose la question de savoir s'il est acteur de l'histoire, dans ce cas-là, je serais partant pour dire qu'il est acteur de l'histoire si on l'entend simplement comme une forme d'histoire des vaincus, quoi, non pas comme un des grands hommes de l'histoire. Enfin. Hervé Joubert-Laurencin, hein, sur ce point. Peut-être cette question aussi de ses premiers films, justement, et cette différence qu'il y a entre... ces films, qu'il s'agit de La Ricotta, Mamma Roma, ça commence avant les films, quoi. Ouais. Puisque, après tout, Pasolini n'a fait du cinéma qu'à 40 ans. Mm-hmm. Donc, il a toute une histoire avant. Et finalement, toute l'histoire de Pasolini est déjà jouée dans tous ces éléments dès le Frioul. Donc, il a un rapport à l'histoire qui était très changeant aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un seul Pasolini de ce point de vue-là. Moi, si vous voulez, j'ai repris pour y réfléchir des textes que j'ai pu traduire. Le sentiment de l'histoire, je crois que Melinda Toen a fait sa thèse un peu sur ce sujet, enfin du moins sur ce titre, et en analysant ce texte. Un texte qu'il écrit à son ami Carlo Lizzani. C'est le sentiment de l'histoire, oui, c'est plus tardif, c'est un texte de 70, mais sinon, j'ai dans la revue Trafic, j'avais publié autrefois un texte qu'on connaît mal, c'est le Pasolini, justement, fasciste. Mmh. Au sens, non pas qu'il a été d'idéologie fasciste, mais qu'il a été un jeune fasciste, puisqu'il a été élevé depuis 22 jusqu'à 20 ans. Il a été dans un pays totalitaire, il a passé par tous les uniformes du fascisme. Et là-dedans, il a une place très étonnante parce que il a fondé une revue, par exemple. Il a fondé deux revues. Donc c'est déjà quelqu'un qui a eu toute une activité sous le fascisme. C'est là qu'il est devenu cinéphile, c'est là qu'il a vu une revue qui n'est pas née, mais qui s'appelle Héritier. Les Héritiers. Donc ça, c'est des choses moins connues qu'on connaît aujourd'hui à Bologne, parce que l'autre jour, je suis passé à Bologne et j'ai vu qu'il rééditait, parce qu'il y a énormément de choses cette année sur Pasolini. Il y a au moins une cinquantaine de choses qui se passent en 6 ou 7 mois partout dans le monde, et notamment en Italie, et à Bologne plus particulièrement. Et entre autres, il continue à republier même les originaux, enfin les facsimilés des tout premiers articles de Pasolini, qui sont quand même très... alors moi, j'avais voulu en très très intéressant, quoi. J'avais voulu en faire connaître au moins un qui est de 42, quoi. Et où c'est très étrange, parce que il essaye de passer à travers la rhétorique fasciste, on le sent, quoi. On sent qu'il y a une... et qu'il voit les choses de façon très poétique, avec des références à l'Antiquité, etc. Et là, c'est une vraie interrogation sur l'histoire, c'est-à-dire que avec un rapport vraiment qu'il faut mettre en route pour la société italienne, et il faut trouver un rapport à l'histoire. Donc, ça a l'air de le préoccuper énormément. Bah, il faut dire que ça préoccupe l'Italie de ces années-là, parce qu'en fait, toute la question de la reconstruction de l'Empire romain telle qu'elle était présentée par Mussolini, dans quoi baigne Pasolini, jeune homme, en l'occurrence. Donc, il échappe aussi complètement à ça. Il y a eu un travail récemment sur ce sujet, j'espère qu'il sera publié un jour, sur le rapport à l'Antiquité, justement, de Pasolini, où il passe complètement à l'envers, enfin, il est complètement à l'envers de l'appropriation du fascisme des ruines, quoi, finalement, et de l'Empire romain qui est complètement fantasmé et retransformé en essayant d'insister sur l'archéologie pour lui faire prendre une autre voie qui serait idéologiquement intéressante. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a complètement changé. parce que finalement, quand j'ai écrit un livre sur Salo, j'ai été justement à Bologne, là où il se trouve toute une série de coupures de presse où on commence à trouver des choses qui sont différentes de ce qu'on raconte tout le temps, puisqu'on raconte toujours la même chose, hein, au fond, sur Pasolini. Et quand on reprend les coupures de presse de l'époque, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qu'on sait sur Salo. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été sur le tournage de Salo. C'était pas du tout donc le dernier film de Pasolini, oui, 1975, qu'il a pu finir de justesse juste avant d'être assassiné. Or, j'ai trouvé dans un petit journal, ce qui est quand même le journal de Bologne, hein, Il Resto del Carlino, c'est le plus vieux journal, je crois, quotidien d'Italie qui existe encore aujourd'hui. Et là, Pasolini dit une chose incroyable que j'ai voulu citer parce que j'avais jamais lu ça, quoi. Et c'est peut-être comme une dernière parole sur l'histoire. Et ça m'a paru, mais complètement l'inverse de la toute première parole. Si vous voulez, je peux lire trois lignes. Il dit « Salo n'est donc pas seulement un film sur l'anarchie du pouvoir, mais aussi un film sur, et il souligne, l'inexistence de l'histoire ». C'est quand même énorme. En ce sens, je suis en désaccord. Donc ça, c'est 75, hein, et il se retourne sur sa propre histoire. En ce sens, je suis en désaccord avec l'idéologie de gauche qui avance toujours le devoir d'être dans l'histoire. J'y ai cru moi aussi dans les années 50, mais c'est une illusion. En réalité, et là, il devient à mon avis shakespearien, quoi. En réalité, tout me semble clair désormais. Ce que nous appelons histoire est une atroce bouffonnerie ou un merveilleux spectacle. En tout cas, pas une chose sérieuse. C'est quand même énorme, quoi. C'est pas mal de prononcer ça dans une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire. Oui, c'est énorme. Parce que c'est comme le dernier mot de Pasolini qui retourne. Mais vous développez ça aussi, Mélinda Toen, dans votre thèse, justement, cette question de, dans Salo, c'est le refus de l'histoire. Il y a une croyance en l'histoire dans ses premiers films, ses premiers écrits. Voilà. Mais là, 75, à l'orée des années 70, c'est plus possible parce que même les vaincus, finalement, on se sont appropriés la culture des vainqueurs et on ne peut plus les sauver, on ne peut plus rien faire pour eux. Et exactement, en fait, c'est comme une forme de désenchantement, puisqu'effectivement, c'est véritablement un sentiment qu'il éprouve pour l'histoire, et donc ce sentiment est sujet à d'innombrables métamorphoses, hein, que j'ai essayé donc de retraduire dans ma thèse, en partant de la trilogie romaine, où là, il y a effectivement une sorte de mystification du peuple, et où ces corps sous-prolétaires permettent à Pasolini de s'intéresser en quelque sorte comme ce que disait Alain Naze, aux oubliés de l'histoire, à recueillir des traces de l'histoire, exactement, des bribes, ouais. En tout cas à porter attention à ceux aux vaincus de l'histoire, à ceux auxquels on ne s'intéresse pas. En tout cas, ça c'est son parti pris dans la trilogie romaine, qui est une chose qui va complètement changer à la fin de sa vie. Et voilà, je laisse. Jean Gilly. Oui, non, juste un petit commentaire sur le fait qu'il y a, comme très souvent chez Pasolini, des espèces de contradictions. Mmh. En ce sens qu'il y a refus de l'histoire, et c'est Salo, mais en même temps, à l'ouverture du film, on a une pancarte qui indique un lieu, et cette pancarte, c'est Marzabotto. Et une date. Et une date. Bon, Marzabotto, c'est l'oradour italien. Mmh. Hein. Donc c'est s'enraciner dans une référence historique précise. Donc il y a à la fois le refus, mais en même temps la volonté d'avoir des repères historiques. C'est toute la contradiction que l'on trouve dans quantité de domaines quand on s'intéresse à la pensée de Pasolini. Alain Naze ? Oui, je crois que quand Pasolini évoque l'inexistence de l'histoire, il veut, je pense, dire essentiellement deux choses, c'est-à-dire à la fois ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, dans une époque finalement où on pourrait dire que le moteur de l'histoire, si on reprend la version marxiste, donc la lutte des classes, n'existe plus puisqu'on a affaire à une forme d'homologation généralisée, etc., où les scissions entre classes n'existent plus, où les classes finalement n'apparaissent plus, même dans les corps, nous dit Pasolini. Ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension, je crois qu'elle est présente chez Pasolini, c'est le refus très profond de la conception de l'histoire comme progrès qui a très largement dominé, et ce qui fait que si son marxisme existe et a perduré, c'est un marxisme absolument non orthodoxe. C'est un marxisme compatible. Hérétique, en l'occurrence. Eh oui, hérétique et même compatible avec ce qu'on disait tout à l'heure, une forme de messianisme, si on veut bien entendre que c'est une forme de messianisme sans messie, comme aurait dit Derrida, c'est-à-dire que au fond, quand il parle des langues, quand il se désole finalement de la disparition d'un certain nombre de dialectes, il nous dit en même temps que ces dialectes-là, finalement, se conserve malgré tout dans certaines prononciations et donc dans la manière de s'exprimer. Et comme il relie toujours la langue et le corps, dans certains corps d'italien, finalement, il retrouve quelque chose de cela. Et donc, les générations d'oubliés, finalement, survivent dans leur fils au bout du compte. Quoi. Oui, parce que tout de même, c'est ce que vous montrez dans votre travail, Melinda Toen, cette question des oubliés de l'histoire, c'est la question centrale chez Pasolini. C'est-à-dire que, en même temps que naît la microstoria, par exemple, en Italie, dans la même période, en même temps que naît ici l'intérêt pour Michel Foucault, pour tous ceux qui sont autour d'eux, pour les marges, pour Henri de Farge, tous ceux qui sont les oubliés de l'histoire, les inconnus de l'histoire, etc., eh bien, lui, sans être un historien lui-même, endosse cette question en se disant que son travail à lui, c'est de donner corps justement à ces oubliés de l'histoire par son cinéma et de donner parole à ces oubliés de l'histoire, soit par sa littérature, soit par ses films, en l'occurrence Melinda Toen. Oui, en tout cas, c'est le point de vue que j'ai adopté hein, dans ma thèse. Et je crois que ce qui est important aussi de souligner, c'est que ces oubliés de l'histoire, pour Pasolini, en tout cas au fur et à mesure de ces films, vont devenir ce qui va permettre, en fait, ce retour au passé va... et ce qui permet en tout cas une forme de contestation du présent. Et en fait, c'est à ça que c'est sur ce point auquel j'ai voulu m'attacher, parce que c'est pas simplement un retour, on l'a souvent taxé de passéiste, etc. C'est vraiment une approche d'un retour aux oubliés de l'histoire pour qu'ils puissent en fait reprendre la main et hanter le présent. Il y a cette idée, seuls eux peuvent le faire quelque part, parce que ce sont des âmes pures aussi. Il y a un peu cette idée quand même, je sais pas. Avait joué Laurent Saint sur ce point. Quel point ? Sur cette question des oubliés de l'histoire. Ah oui, bon, on pourrait dire que toute l'œuvre de Pasolini le fait, comme disait Moravia, hein, quand on l'a entendu tout à l'heure. Pas de calcul, désintéressé. Il y a quelque chose chez Pasolini qui est... c'est pas organique, hein, c'est pas quelque chose qui lui tombe du ciel. C'est justement une pensée politique où tout est politisé chez lui. Donc toute œuvre est politisée et son homosexualité, entre autres, et aussi cette espèce d'amour des humbles, enfin ou expertise en humilité, hein, comme disait Contini dans un autre hommage un peu quelques années après celui de Moravia, fait que il s'intéresse toujours à ce qui est en marche, c'est-à-dire oublié au sens où il y a une forme sociale qui n'est pas vue. Qui n'est pas connu, enfin pas vu de la majorité, pas vu de la bourgeoisie, pas vu de voilà. Donc je vous rassure, hein, il est anti-stalinien de la première heure finalement, ou même de l'avant-heure, Pasolini. Mais la lutte des classes, il y croit toujours. Enfin, je pense que c'est pas quelqu'un qui, comme nous, pense que il est possible d'imaginer qu'il n'y ait plus de lutte des classes. Hein. Donc il est bien fondamentalement dans la politique. Et c'est, au fond, c'est presque, c'est pas par hasard, mais il y a un hasard qui tombe bien, c'est qu'il s'intéresse toujours à ceux qui sont à la marge, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas vus, parce que lui en fait partie au fond, et il va les chercher. Donc dans son œuvre, c'est permanent, et du coup, ça, effectivement, on peut dire que, objectivement, ça a une relation très forte avec ce qu'ont fait les historiens plus tard, et c'est pour ça qu'après sa mort, pour ça que Pasolini ne se démode pas. C'est ça qui est très étonnant. Ouais, c'est ça qui est très étonnant, effectivement. On va écouter maintenant le commentaire qu'il a posé sur un film qu'il a tourné, je crois, en une journée, alors qu'il était en train de tourner un autre film. En l'occurrence, c'était le Décaméron qu'il tournait, ou c'était un des trois films de la trilogie autour de... C'était à Sanaa, donc au Yémen. C'est un épisode coupé par la suite du Décaméron. Voilà. Et donc, à Sanaa, au Yémen, patrimoine mondial de l'UNESCO, il s'adresse justement à cette UNESCO en disant « Regardez ce qui est en train d'arriver au mur de Sanaa. » Per l'Italia è finita, ma lo Yemen può essere ancora interamente salvato. La porta principale di Sanaa si apre sui luoghi dove fino a pochi mesi fa, isolate nella vallata desertica, sorgevano le sue stupende mura. Alors ci rivolgiamo all'UNESCO. Nous en appelons à l'UNESCO afin qu'il aide le Yémen à se sauver de sa propre ruine. Nous en appelons à l'UNESCO pour qu'il aide le Yémen à prendre conscience de son identité et de sa valeur. Nous en appelons à l'UNESCO pour qu'il contribue à arrêter une spéculation misérable dans un pays où personne ne la dénonce. Nous en appelons à l'UNESCO. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché contribuisca a fermare una miseranda speculazione in un paese dove nessuno la denuncia. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché trovi la possibilità di dare a questa nuova nazione. Nous en appelons à l'UNESCO pour qu'il trouve le moyen d'insuffler à cette nouvelle nation la conscience qu'elle appartient au patrimoine de l'humanité et qu'il est de son devoir de protéger cette richesse. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché intervenga, finché in tempo, a convincere un'ancora ingenua classe dirigente che la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza, che conservare tale bellezza significa oltretutto afin qu'il intervienne tant qu'il est encore temps pour convaincre une classe dirigeante ingénue que la seule richesse du Yémen est sa beauté et qu'en la préservant elle s'approprie une source économique à moindre coût. Ci rivolgiamo all'UNESCO in nome della vera, seppur ancora inespressa, nous en appelons à l'UNESCO au nom de la véritable, quoique inexprimée volonté du peuple yéménite, au nom des hommes saints que la pauvreté a gardé pur, in nome della grazia dei secoli oscuri, au nom de la grâce des hommes puri, in nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato, au nom de la scandaleuse force révolutionnaire du passé. Alors ça, ce texte-là est un texte très étrange, parce que voilà Jean Gilly, quelqu'un dont on dit qu'il a un rapport ambigu, compliqué, évolutif, c'est ce que nous a dit Hervé Joubert-Laurencin tout à l'heure à la question historique, et qui tient en 1971, quelques années avant sa mort, un discours patrimonialiste, patrimonialisateur, très étrange pour son pays, même qui est l'Italie de l'époque. Oui, avec... Il a dit que quand on parle de dimension messianique, elle est également présente là, dans cette espèce d'aspiration à reconnaître le poids du passé, à reconnaître l'importance de l'héritage, à reconnaître les racines culturelles dans lesquelles nous plongeons et que nous avons tendance dans cette espèce d'ouverture vers le futur, vers le progrès. Lui, il se détourne d'une certaine manière, c'est un hérétique du point de vue idéologique qui se distingue même de la classe intellectuelle à laquelle il appartient et qui se bas pour faire reconnaître, alors quand on pense à ce qu'est devenu le Yémen aujourd'hui, de surcroît, on ne peut pas le gommer, se demander la catastrophe qui s'est abattue sur ce pays alors que Pasolini est en train de le découvrir, lorsque c'est une puissance, enfin en tout cas un État émergent qui prend conscience de son identité, laquelle identité va finalement être totalement ruinée par les guerres civiles. Donc Pasolini a une puissance de témoignage absolument étonnante. Alain Naz, sur ce point, puisque vous avez analysé ce texte en particulier dans vos travaux. Oui, et justement, je trouve que ce n'est absolument pas un discours patrimonialiste, que ce discours sur les murs de Sanaa, c'est-à-dire qu'effectivement, il prend, il prône effectivement cette défense par l'UNESCO de la cité yéménite, mais en même temps, c'est comme toujours chez Pasolini, c'est-à-dire c'est la moindre des choses, c'est-à-dire il faut bien en passer par là, mais c'est pas ce qu'il vise ultimement. Et il le dit également à propos des langues. Si on évite, par exemple, que certaines langues disparaissent, c'est effectivement une bonne chose, mais ce n'est pas comme ça qu'on réussira à leur rendre finalement leur vitalité. Donc, au fond, toujours chez Pasolini, il y a l'idée, par exemple, que si Sanaa est important, si les murs de Sanaa sont importants, c'est qu'ils ne sont pas justement quelque chose de patrimonialisable, ou s'ils le sont, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils le sont en tant qu'ils peuvent jouer, comment dire, le rôle de l'hétérogène dans l'homogénéité actuelle. Ils peuvent avoir une fonction visant à balafrer finalement notre présent, et c'est là que le passé est scandaleusement révolutionnaire. Quoi. Le scandale révolutionnaire, il est là. Parce qu'il recrée des formes nouvelles, en fait. C'est pas uniquement les bribes du passé qui seraient comme ça essaimées dans le présent. C'est pas sa problématique. C'est-à-dire que le fait de plonger même quelque chose justement du passé dans notre présent, l'hétérogène justement est tellement scandaleux dans une époque qui a peine à le recevoir, que ça a une fonction absolument scandaleuse. Et donc qui fait que l'homogénéité dont se désolait Pasolini est brisée par la même. C'est-à-dire qu'il peut effectivement politiquement paraître parfois étonnant, quoi, dans les défenses qu'il pourra, dans la défense qu'il pourra prendre, par exemple, ou plutôt dans le rapport critique, par exemple, qu'il aura au féminisme, on aura le sentiment qu'il est sur une position plutôt rétrograde. Mais en fait, d'une certaine façon, c'est parce qu'il voit bien que dans les cultures qu'il défend, il n'y a pas justement de féminisme au sens véritable du terme. Et donc, la modernité demande que l'on repense d'une manière très fine, finalement, les rapports entre les hommes et les femmes aussi dans les sociétés justement passées, et qu'on ne fasse pas, qu'on ne gomme pas tout cela d'un trait de plume, comme si finalement toutes ces expériences-là étaient des expériences obscures, barbares, etc., et qu'il faudrait les dépasser dans une modernité qui dirait finalement le bien sur le rapport des hommes et des femmes, par exemple. Hervé Joubert-Laurencin. Moi, je prendrais bien pour commenter Sana, que je trouve un texte poétique absolument incroyable, ce qu'on a entendu, et surtout avec la voix de Pasolini, que je trouve indissociable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre ses mots si ce n'est pas dit par sa voix. Hein. Il l'a fait de temps en temps. Ce que je trouve incroyable de façon très bête aujourd'hui, c'est que ça tombe, comme toujours, hein, ça tombe après sa mort, dans sa postérité. Il y a des choses qui nous parlent, et il avait pris des signifiants, au fond. Il parle de choses qui sont tellement importantes et fondamentales qu'elles reviennent toujours dans l'histoire. Et donc, c'est quand même incroyable quand on y pense, de penser que d'abord, est-ce qu'on va écrouler les murs de Sanaa ou pas ? D'ailleurs, chaque fois, chaque année, je me dis, mais est-ce que les murs de Sanaa tombent ou pas, ceux de Pasolini ? Est-ce qu'ils sont tombés ou pas ? On pourrait croire que ces temps-ci, ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber, là, c'est quand même incroyable. Donc il est quand même au centre d'un endroit qui est dans la destruction, dans le problème historique permanent et présent. Et donc il se pose la question de ça. Quand on pense à Palmyre, quand même, l'écroulement de Palmyre, c'est quand même énorme de penser qu'il a fait ce film pour poser cette question-là une fois pour toutes. Chaque fois qu'on va détruire quelque chose d'ancien, ça va poser cette question. D'abord c'est les Bouddhas, ensuite c'est Palmyre maintenant. Et puis, deuxième chose incroyable et complètement contraire, c'est qu'il défend des murs. Quand on pense qu'il défend des murs, alors que le sujet politique d'aujourd'hui, c'est quand même qui construit les murs. Et c'est des autres murs, hein, tous ces murs de défense et qu'on est en train de construire. Je crois que hier encore, j'entendais à la radio que c'est les Serbes qui ont construit des murs. Non, c'est, je ne sais plus, à la fin d'Europe où on va construire des murs. En Slovénie, on en construit. En Slovénie, on construit des murs. Enfin, bon, la question des murs, c'est quand même la question d'aujourd'hui. Et là, il défend des murs qui sont justement des murs friables, des murs en pisé, des murs qui s'écroulent. Mais les murs en tant qu'écroulés sont intéressants. Et là, effectivement, on tombe sur ce problème d'anachronisme et cette question de complexité de l'histoire qui est posée par Pasolini, là, de façon presque théorique. Et cette question de l'anachronisme, elle est centrale dans votre travail, Mélinda Thoen, quand vous abordez la question de Pasolini dans son rapport à l'histoire. Qu'est-ce qu'il... Parce que évidemment, on dit toujours, ou souvent, on dit ici que l'anachronisme, évidemment, c'est l'antithèse du travail de l'historien. Et Jean Gilly, qui est agrégé d'histoire, a dû entendre ça depuis très longtemps de ses professeurs et lui-même l'avoir enseigné. Pourquoi cet anachronisme chez Pasolini a-t-il une force, justement, alors sinon révolutionnaire, mais en tout cas une force de levier qui lui permet d'affirmer quelque chose dans la société italienne des années 60 et 70 que d'autres n'affirment pas en même temps que lui? Parce que je pense déjà qu'avant tout, c'est cette force de levier, comme vous l'appelez, il la ressent physiquement dans son corps, et c'est véritablement un sentiment poétique. Et c'est pour ça qu'en fait, la puissance de l'anachronisme chez lui va servir de véritable moteur de contestation d'une société dans laquelle il ne se reconnaît pas, et d'une société qui effectivement, comme le disait Alain Naz, avec cette force d'homologation, ne permet pas la persistance et la percée des oubliés de l'histoire. Mais ça se traduit comment dans son cinéma, cette force de l'anachronisme? Comment on le repère, cet anachronisme, au-delà des propos que tient Pasolini soi-même sur l'anachronisme? On a des exemples dans les films qui montrent cela, justement, qui vous apparaissent comme évidents, cet anachronisme, Mélinda Thoen? Par exemple, en tout cas, lorsqu'il réalise la trilogie antique, notamment dans Médée, je pense notamment à la première séquence d'ouverture du film, la séquence du sacrifice, qui est en fait filmée par le poète justement comme une forme de cohésion, de sorte de retour à la vie en commun, vie en commun qu'a perdu la modernité dans laquelle nous a plongé le néo-capitalisme, puisque lui dénonce véritablement le passage du capitalisme au néo-capitalisme. Et en fait, c'est dans cette persistance des formes anachroniques d'être au monde qu'il perçoit encore les restes d'humanité. Je crois que c'est là, en fait, en tout cas pour moi, c'est là que réside son anachronisme. Et dans le choix peut-être même de ses acteurs, parce que pour m'aider, justement, je crois qu'il dit, justement dans ce sentiment d'histoire, cette lettre-là qu'il écrit à Lizzani, il choisit Callas, quelque part, parce que justement, elle est tellement anachronique, elle est tellement fausse que on peut justement, du coup, oui, il avait initialement pensé faire appel à Sylvana Mangano, qu'il avait déjà dirigée, et puis finalement, elle n'était pas disponible. Il se retourne vers la Callas, et je trouve que par rapport au contenu du film et par rapport à ce qu'il veut dire, elle est beaucoup plus juste que de l'aurait été la Mangano. Oui, alors qu'il pensait qu'elle était fausse. Alain Naz, justement, sur cet exemple de l'anachronisme, et par exemple, peut-être m'aider avec Callas. Par exemple, mais j'avais autre chose en tête. Si vous allez-y. C'était le scénario qui n'a pas été réalisé du Saint-Paul. Oui. Il avait prévu de faire durer finalement l'occupation allemande, l'occupation de Paris par l'armée allemande, jusqu'aux années 68 à peu près, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce qu'en même temps, je trouve que l'anachronisme, pour le coup, retrouve une sorte d'intérêt, même d'un point de vue historique. On pourrait retrouver également Nicole Laureau pour la défense du point de vue historique de l'anachronisme, puisque là, au fond, il retrouve à travers cette intuition, comme souvent chez lui, quoi, quelque chose que plus tard, un philosophe comme Giorgio Agamben va penser sous la catégorie du paradigme du camp, en disant évidemment, nous ne sommes plus sous un régime nazi-fasciste, bien évidemment, mais quelque chose finalement du camp continue à irriguer aussi nos propres démocraties, etc. Et là, je crois que c'est quelque chose de très profond qu'il arrive à atteindre par l'anachronisme, du coup, comme un des moyens de connaissance. Et si vous me permettez, j'aimerais juste faire une remarque aussi par rapport à ce qu'avait dit Hervé Joubert-Laurencin. Je pense que chez Pasolini, tout l'ancien ne s'équivaut pas. C'est-à-dire qu'il est ému par les choses, justement, les plus fragiles. Quoi. Oui, ce ne sont pas les monuments de Rome qui l'émeuvent d'une certaine façon. Exactement. Ça peut être un mur paysan du XIIe siècle dans un village du Frioul, dans un village d'Émilie-Romagne. Et ça peut être aussi émouvant pour lui de voir ces pierres qui ont été taillées 8 siècles auparavant que de voir le Colisée. Oui, exactement. Et c'est là que je retrouve justement une phrase de Walter Benjamin qui nous dit: il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Ça, justement, Pasolini ne l'ignorait pas. Et c'est précisément aussi pour cela qu'il valorisait les formes parfois éventuellement peu reconnues, quoi, d'architecture en particulier. Et Hervé Joubert-Laurencin, ce Saint-Paul qui est cité par Alain Naz, il devait le transposer dans d'autres lieux, puisqu'en fait, il aurait été tourné non pas à Corinthe, non pas à Athènes, non pas au Proche-Orient, mais il aurait été tourné à New York, à Londres, à Paris et dans l'Atlantique, et non pas dans la Méditerranée. Il y a toute une série d'équivalents. D'ailleurs, il y a deux séries d'équivalents parce qu'il a fait le scénario à plusieurs moments. Il l'a repris à la fin de sa vie en espérant le pouvoir le tourner, et il a encore recommencé un petit peu. Donc on a des équivalents, la France de Vichy, les Américains, l'impérialisme romain, c'est l'impérialisme américain moderne, etc. Et donc il y a toute une série de transpositions purement anachroniques pour faire comprendre quelque chose, mais au fond, profondément historique. C'est-à-dire là c'est vraiment, c'est presque comme un prof d'histoire qui ferait une histoire complètement inattendue. Pour intéresser ses élèves, d'une certaine façon. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un fond. Pour exciter l'imagination. Comme ça. Mais sur la question anachronique pour ce livre-là, très particulièrement, je dois dire qu'il y a eu quelques erreurs de traduction qui font sauter des choses essentielles. C'est-à-dire qu'on a des éléments anachroniques volontaires par Pasolini qu'on lit dans le texte italien et qui ne sont pas dans la traduction française qui date de 1980 et qui malheureusement a été réédité l'année dernière sans qu'on corrige encore à nouveau ça. Et ce sont des anachronismes énormes, voulus, extrêmement intéressants. Très, très bon. Il faut quand même insister sur le fait, on l'a déjà dit, Jean-Gilles, que cette Seconde Guerre mondiale était très importante pour la vision de l'histoire que pouvait avoir Pier Paolo Pasolini. Il pouvait reprendre presque ce que d'autres avaient dit, comme Bazin, qui disait que la Seconde Guerre mondiale était d'actualité en Italie, et elle était déjà passée dans le cinéma français. C'était déjà de l'histoire, c'était déjà du passé. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale, pour Pier Paolo Pasolini, vit encore dans l'Italie des années 60 et dans les années 70. Oui, parce que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, dans le fond, elle est encore plus complexe en Italie qu'en France. Parce qu'elle a développé à la fois un affrontement entre les Italiens et les Allemands, comme entre les Français et les Allemands, mais elle a aussi développé, ce qui existe davantage à l'état de trace, une guerre civile. qui est également sensible en France, mais qui en Italie a pris un développement bien beaucoup sûr. Plus fort. Et il y a quand même un épisode fondamental de la vie de Pasolini, c'est la mort de son frère. Oui. Guido s'était enrôlé était entré dans la résistance, dans la brigade Osopo, qui était proche du parti d'action, alors que les éléments les plus forts de la résistance italienne étaient liés au parti communiste, et notamment aux communistes de Tito, et dans une espèce de règlement de compte de pure guerre civile, toute la brigade Osopo est assassinée par la résistance communiste proche de Tito. Et ça, en février 1945. Mmh. Donc, c'est un épisode traumatisant qui va marquer toute l'œuvre de Pasolini. Oui, et puis, même, je crois que c'est dans Dodici Dicembre, le film qu'il consacre au Mérampant, ce qu'on appelle le Mérampant dans le début des années 70 en Italie, à ces mouvements sociaux qui sont en cours dans l'Italie du début des années 70 et qui vont faire fond, être le fond, pourrait-on dire, de tous les mouvements ensuite de lutte armée. Dans ce Dodici Dicembre, je crois me souvenir, mais je ne l'ai pas retrouvé en regardant le film, je crois me souvenir que des gens disent on va pas continuer à marcher à force de marcher en rond, de tourner en rond, on va finir par faire un trou dans le sol. Il faut reprendre l'héritage de la résistance de 1943-1944 pour pouvoir relancer la machine italienne, relancer le pays. Non, parce que la résistance, c'est un moment fondateur de l'histoire de l'Italie. L'Italie change de régime aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est de la résistance que l'Italie passe de la monarchie à la République. Tout en gardant quand même un héritage. Et Pasolini, de ce point de vue, est un cas extrêmement complexe de savoir qu'est-ce que l'on garde du passé, et vis-à-vis du terrorisme, il a pris souvent des positions un peu à rebrousse-poil. Des intellectuels de l'époque. Des intellectuels de. C'est lui qui disait les CRS, ce sont des fils d'ouvriers, alors que ceux qui sont en face, les étudiants, sont des fils de bourgeois, par exemple. Oui, ça c'est un des textes les plus polémiques qui soit. Ou au printemps, c'est le printemps 69. Le maire adieu, où il prend la défense des forces de police, des forces de l'ordre, en disant les vrais prolétaires, ce sont eux, ce sont pas les étudiants, fils de la classe bourgeoise ou aristocratique qui militent dans les rues. Alors, en tous les cas, dans cet archive de 69, au moment de la sortie de Porcherie, justement, la journaliste interroge Pasolini sur le fait que ses films, ses thèmes de films, la manière dont il filme a changé, et lui, en substance, répond, l'histoire de l'Italie aussi a changé. Ce qui est intéressant quand on voit l'ensemble de votre œuvre, depuis Acatone jusqu'à Porcherie, c'est la discontinuité qu'il y a entre les films du début et les films actuels. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer justement l'évolution de votre œuvre? Vous avez essayé la discontinuité de l'histoire italienne. L'histoire italienne des années 50, c'est très différent de l'histoire italienne des années 60. Et alors, pendant les années 50, je croyais de faire les films comme des œuvres que Gramsci, qui est le fondateur du Parti communiste italien, appelait National Populaire. Je croyais que le destinataire de mon film était le peuple comme classe sociale complètement différenciée de la bourgeoisie. Maintenant, dans l'Italie moderne, ça, ce n'est pas plus la vérité. Le peuple n'existe pas. Il y a la culture des masses qui comprend bourgeoisie et peuple. Et alors, le destinataire n'est pas plus le peuple, les ouvriers, les hommes simples, c'est la masse. Et alors, pour réaction à la culture des masses, j'ai fait des films plus difficiles, inconsommables. Oui, faire des films plus difficiles à consommer. Et en particulier, ce Porcherie de 1969, qui est effectivement un film difficile à voir, comme l'est aussi, pour beaucoup d'entre nous, Salo, par exemple, à la fin de le dernier film de Pasolini, Hervé Joubert-Laurencin. Mais c'est exactement le moment où il peut dire ça de façon la plus forte, parce que justement, c'est le film le plus incompréhensible, au fond, à premier abord. Donc, il redevient intéressant. D'ailleurs, pour moi, par exemple, il est redevenu intéressant, personnellement, quand j'ai vu jouer la pièce de théâtre qui est pour moitié dans le film et qui a été ensuite entrelacé avec un autre film. En fait, il a fait deux films, il les a entrelacés, mais l'un des deux vient d'une pièce de théâtre. Et quand la pièce de théâtre ensuite a été jouée après sa mort, moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai discuté avec des comédiens, et alors en voyant ce travail, tout d'un coup, il y a des choses qui me sont apparues beaucoup plus fortement. C'est-à-dire qu'il a aussi joué son film contre sa propre pièce de théâtre. Donc du coup, c'est le film le plus incompréhensible qu'il ait fait. Donc c'est normal qu'à ce moment-là, il dise ça. Il a même inventé un mot pour expliquer sa démarche, qu'ensuite il a laissé tomber, mais c'était impopulaire. Puisqu'il dit, j'ai fait du national populaire avant, alors maintenant je fais de l'impopulaire. Cinema impopolare. Alain Naz, vous voulez intervenir sur ce film Porcherie, puisque... Vous aussi, vous aviez travaillé sur ce scénario ? Oui, effectivement, je trouve que c'est un très grand film, justement, ce film Porcherie, qui réussit à travers une forme de montage en parallèle, donc à mettre d'un côté, à placer d'un côté donc, une situation qui serait, on pourrait dire, hors histoire, et de l'autre côté, c'est la situation finalement de l'époque contemporaine où il y a une sorte de fusion finalement entre le paléo-capitalisme et le néo-capitalisme, pour reprendre les mots de Pasolini, c'est-à-dire au fond entre l'Allemagne du nazisme et l'Allemagne finalement du développement économique, quoi. À travers évidemment en tout cela. Oui, allez-y. On a un problème de rupture de faisceau avec Mayotte Première. Mélinda Toen, vous insistez dans votre travail de thèse sur cette question aussi. Alors c'est très étonnant parce que Porcherie, évidemment, on voit très bien ce à quoi ça fait référence, sur la question des rebuts, des déchets, comme étant aussi quelque chose qui est métaphoriquement important pour le Pasolini, parce que justement, il y a une vision de ces marges dont on parlait tout à l'heure, comme étant les rebuts, les déchets de la société italienne. Oui, effectivement, j'insiste sur la question donc des rebuts, et aussi ce point de vue, en fait, il a été construit notamment par la description que fait Walter Benjamin de l'Angelus Novus de Paul Klee, donc de ce tableau. L'ange de l'histoire. Voilà, l'ange de l'histoire, en fait, où j'ai entre guillemets, déceler une sorte d'interprétant pour analyser l'œuvre de Pasolini. Et puis, j'ai essayé donc d'y voir un Pasolini comme un ange de l'histoire en lutte, en fait, qui prêtait attention à ces déchets que la modernité et le contemporain cherchaient à balayer dans la tempête du progrès. Vous disiez tout à l'heure, Hervé Joubert-Laurencin, ce qui est étonnant, c'est que 40 ans après sa mort, il reste encore extrêmement présent, on le réinterprète, on retraduit, vous disiez, et pas assez selon vous, certains des textes qui ont été mal traduits, dites-vous, au départ, on retraduit ces textes, qu'il est célébré dans son propre pays, alors qu'il était pourtant quelqu'un dont on dirait qu'il était une personnalité clivante aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique justement cette présence ? D'autant que, comme vous le disiez aussi, et comme le disaient les autres participants à cette discussion, eh bien, on peut prendre beaucoup de choses très antagonistes, pourrait-on dire, dans l'œuvre de Pasolini. Il y a plusieurs Pasolini et chacun peut aller chercher ce qu'il veut. Bah oui, là, il faudrait vraiment être sociologue. Hein. Moi, je ne suis pas sociologue, mais c'est vrai que Pasolini, on pourrait aussi dire qu'il a dit tout et le contraire et que donc tout le monde trouve sa pâture. Par exemple, on est une année en 5. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal j'ai connu depuis 1985 les années en 5. Pour moi, c'est très douloureux, quoi, parce que tous les 10 ans, il y a des scoops, il y a des nouvelles choses, il y a des publications vite faites. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement déplaisantes pour qui connaît l'œuvre de Pasolini, parce que tout ça est très très vite fait, quoi, parce que c'est très facile. Pasolini est un vrai aimant, c'est-à-dire c'est très très facile à aller chercher quelque chose de rapide, de prendre des slogans. Or, c'est quelqu'un qui détestait la pensée par slogan, mais c'était un poète, donc lui c'était pas des slogans, c'est-à-dire que il était, comme disait Moravia, complètement désintéressé. Donc son travail est toujours très très précis. C'est un travail scientifique, au fond, en poésie, en tout ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il dit, à un certain moment, arrive à des énoncés qui sont des énoncés extrêmement purs. Pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il reste, alors, du coup. Oui, c'est pour ça que ça reste, parce qu'on peut le reprendre. C'est des énoncés purs qui prennent qui ouvrent des champs très larges de considération, mais en même temps qui sont extrêmement précis. Hein, c'est aussi ce qu'on dit sur lui après coup. C'est quelqu'un qui a fait de la politique avec son corps, ou qui pense l'histoire avec sa singularité ou avec son corps. Et c'est quelque chose qui a complètement changé entre l'époque où il a vécu, où il pouvait être très mal considéré pour cette raison, et où il peut l'être très bien pour la même raison aujourd'hui. Donc c'est des raisons contradictoires. Oui, lui qui n'était pas forcément un tenant des avant-gardes, vous le décrivez donc comme quelqu'un qui justement était une sorte d'avant-garde malgré lui d'une certaine aujourd'hui, façon. Aujourd'hui, parfois on commence à écrire ça, quoi. C'est-à-dire c'est l'avant-gardiste inattendu. Hein. Lui-même l'avait écrit dans un poème, più moderno di ogni moderno. Je suis plus moderne que tous les modernes. Oui, Jean Gilly. Oui, mais avec aussi ce goût. Donc tout à l'heure on a dit il fait des films populaires, enfin nationaux populaires. Ensuite il fait des films difficiles qu'il revendique comme tels. Et puis à un moment il éprouve le besoin de revenir à une espèce de communication immédiate, c'est la trilogie de la vie. Oui, donc là, c'est le Décaméron, Les Mille et Une Nuits et Les Contes de Canterbury. Mais qu'il va rejeter voilà, ensuite. Voilà, et qui ensuite, dans un dernier revirement, renie. Oui. Il emploie le mot de renier. Non, pas rejeter. Abjurer. Tu as tout à fait raison. Abjurer, c'est encore plus précis. L'abjure, c'est cette trilogie. Oui, et abjurer, comme d'ailleurs, on abjure dans la religion chrétienne. Et comme on abjure sous le stalinisme ou comme on abjure dans la religion, enfin non pas dans la religion, mais dans le parti communiste de l'époque. C'est un parcours étonnant. Et finalement, il débouche sur son dernier film, qui est le plus terrifiant, qui est Salo, quoi, qui est un film dont la vision aujourd'hui est proprement insupportable. Mm-hmm. Un dernier mot, Alain Naze, sur ce point. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, d'accord. Excusez-moi, il y a des soucis techniques, j'ai un peu perdu le fil de la discussion. Donc vous en étiez au film Salo ? Oui, on était sur... On était justement pas sur la question de Salo. Alors, on ne peut plus vous entendre. Malheureusement, ça coupe. Bon, écoutez, Alain Naze, vous êtes l'auteur, je rappelle, donc d'un livre qui s'appelle Walter Benjamin et Pierre Pasolini en chiffonnier de l'histoire. Chez l'Armatan, en 2011. Mélinda Thoen, on peut espérer la publication de votre thèse soutenue en 2012 ou on va la chercher sur Archive Ouverte. Sur Archive Ouverte, parce que je suis aussi bibliothécaire, donc je tiens à la diffusion du savoir. Vous avez absolument raison, vous êtes bibliothécaire. Et donc, on le trouve directement sur Internet. C'est comme ça qu'on vous a repéré tardivement pour pouvoir venir à cette émission de France Culture. Hervé Joubert, Laurencin, il faut citer à la fois le dernier poète expressionniste écrit sur Pasolini, c'était Au solitaire intempestif. Il y a très longtemps, un très beau livre, c'était dans 95, je crois, écrit sur le cinéma. C'est ça avec commencé par mon mémoire de maîtrise. Voilà. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et puis, tout récemment, Dossier Hackathons. Donc, C'est tout récent, parce que ça vient tout juste de sortir aux éditions Macula avec des textes de vous, Hervé Joubert, Laurencin, Philippe Michaud, Galuzzi, Christian Cojol et de Pier Paolo Pasolini. Et puis également le scénario complet d'Hackathons, donc avec une préface par Carlo Levi chez Macula. Et puis, alors, toute l'œuvre de Jean Gilly, on ne saurait pouvoir, je ne pourrais oui, toute la résumé. Oui, mais je voudrais juste commenter. J'ai écrit des livres sur quantité de cinéastes, jamais sur Pasolini, et probablement jamais, parce que ça me semble être une espèce d'univers tellement complexe, riche, qu'ajouter ma prose à tout ce qui a déjà été écrit, vraiment, je n'en sens pas le courage. Eh bien, c'est beau cette modestie, en tous les cas, pour terminer. Jean Gilly, merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Ariane Herbet était avec nous à la technique. Remercions nos amis de Mayotte Première pour pouvoir avoir accueilli dans leur studio à Mayotte Alain Naze qui était avec nous et à la réalisation Séverine Cassard. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission autant de temps que vous le souhaitez, ou presque 3 ans. Et vous pouvez également la télécharger pendant 1 an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. Et demain, nous vous parlerons d'Histoire des sciences et des savoirs, une publication qui vient de sortir aux éditions du Seuil.